Chapitre 38, page 255. Exercice 4. 1. Il s'agit d'une fresque réalisée sur les murs de la chapelle. 2. La peinture de ce tableau est écaillée. 3. Admirez sur cette toile un véritable feu d'artifice de couleur. 4. Sur ce tableau, une lumière forte éclaire une jeune femme par derrière. 5. Cette toile abstraite est constituée de différents tons de vert. 6. Cette toile, qui avait pourtant été authentifiée par un expert, s'est révélée un faux particulièrement bien fait. 7. Ce tableau a été réalisé sur le motif.